Amis auditrices et auditeurs, bonjour. Sex friend, mais papa sucré. Écoutez. Sugar daddy, c'est le nom donné aux hommes, quant aux femmes c'est sugar mama. En clair, vous êtes vieux et riche, et bien alors pas de soucis pour vos sorties, week-end et réunions d'amis, s'inscrire sur le site Seeking Arrangement, trouver un terrain d'entente, et voilà, vous avez au bras et dans votre lit une jolie poulette de 21 ans, une sugar baby trilingue, qui pourra supporter une conversation sur l'évolution du Nikkei, la rétrospective Jean-Paul Riopel, ou déguster un Corton Charlemagne grande année en émettant des commentaires judicieux et avertis sur sa jupe incomparable vermillon, tout en souriant et en vous donnant toute son attention à propos de votre conversation passionnante, de votre bon goût quant au choix de la suite de ce palace qui borde le Grand Canal, ou de ce petit tour en jet lire au-dessus des îles Kerguelen. Le tout est d'avoir des cartes de crédit qui puissent chauffer, mais chauffer à blanc incandescent. Non, la geisha n'est pas morte. Pour beaucoup, et ça remonte à très loin, la vie est un troc sans fin, interrompu par le dernier, crémation ou enterrement. Je te donne ça, tu me donnes ça en échange, des dollars ou euros, contre ta jeunesse, tes longues jambes et tes petits seins bien fermés accessoirement, comme prétexte, ta brillante conversation. Ce sont des échanges entre gens de bonne compagnie, consentants et sachant où tout cela doit mener et déboucher. Why not, after all? Notre geisha des temps modernes est étudiante dans une très bonne et très chère université, elle doit payer des 20 000 euros l'année pendant 5 ans, doit aussi se loger, se nourrir, si peu, et se faire belle, très belle, se vêtir, se maquiller, s'accessoiriser, se sportiver, se coiffiser, se salon de beautéiser, se chaneliser, bref, comme chacun sait, la femme moderne est presque devenue un produit de luxe en soi, c'est un véhicule de haute consommation, il faut donc alimenter un compte bancaire, qui, sans des parents pétés de thunes, il faudra bien chercher trouver. Sachant sur ce site Seeking Arrangement qu'il y a 3,6 millions d'inscrits, dont 1,4 million d'étudiants et du beautiful, suffit alors d'attendre pour la belle, derrière son écran et hop, les contacts ne sauraient tarder, dépendant bien sûr de la plastique de cette belle en question. Ça débute comme ça. Contact par ordi, puis, si ces deux trouvent un terrain d'arrangement, conversation sur l'application WAPP, puis, prise de RDV, puis, Inch'Allah. C'est du mythique version friquée ou un successful business meeting, au choix. Allô ? Tu veux jouer avec moi ? Prenons une Mélissa, étudiante en droit de deuxième année, qui décroche 2000 euros par mois juste pour discuter avec un vieux monsieur, un autre lui a payé une Audi à 40 000, et elle se fait dans les 30 000 par an à dépenser de son précieux temps dans des grands hôtels, à Londres, Dubaï ou Palavas-les-Flots. Non, pas le dernier cité. Quant aux sacrifices, ils sont pas si énormes, il suffit au moment où il faut bien passer à la caisse de regarder le plafond, d'émettre quelques borborygmes satisfaits et autres gémissements évanescents, même, deux ou trois petits cris dans l'oreiller et de laisser aller ce monsieur respectable, enfin, après moins de 10 minutes à sa petite mort éjaculation bien proprette, et cependant laborieuse, ensuite, sauter du lit, douche, bisous sur la joue comme pour papa et ronflette car demain est un autre jour. Je subodorerai tout de même un souci en ce monde idyllique. Au début, ces belles font la fine bouche et ne vont qu'avec des hommes prêts à lâcher beaucoup, et pas énorme en retour, puis, l'habitude s'installe de vivre avec du cash dans le sac à main Louis Vuitton, alors, on fait des accros à sa règle de conduite, pas seulement du sexuel, puis, le temps faisant, elle s'habitue la belle à coucher sans que cela ne dérange son brushing, puis devient sans s'en rendre compte escort girl, nouveau nom pour définir la pute de ce début de siècle. Hey, à poil là-dedans. J'ai le souvenir d'un reportage sur la télévision française où deux jeunes femmes de 22 ans se vantaient de faire ce soir la 1500 euros avec un client qui était devenu un sex friend. Mais un peu plus loin, ces mêmes étaient embarqués volontairement dans un sex tour à Londres où des messieurs fortunés venaient, dans leur chambre d'hôtel 4 stars, excusez mon langage, tirer un coup à 500 euros. Dans la semaine, ces 20 000 qui tombaient dans l'escarcelle des escort girls mais qui au détour devaient avouer d'utiliser des lubrifiants, car leur grande porte et petite porte étaient irritées. En fait, tout est question sous quel angle on voit la chose et surtout comment on la dénomme, se définir comme pute ça non, trop trivial, trop 20e siècle. Mais se considérer comme une escorte, ça oui, car ça c'est classe, et sent bon le 21e siècle. Allez trouver la différence, mes chers lecteurs et même lectrices, qui au grand jamais ne pourront profiter des largesses de ces Amazones de Pamoison, jamais. Rassurez-vous, je suis avec vous dans le même wagon Pericoloso Sport Jersey. Rien de nouveau sous nos cieux à baldaquin. Il y a un siècle, déjà, c'était les demi-mondaines qui tenaient le haut du pavé et les hôtels particuliers. Des finaux de Malines et Nana de Zola, telle, Cora Pearl, surnommée, la Grande Horizontale, ou, le plat du jour, qui compta parmi ses conquêtes le prince Napoléon III, l'or aimant, dite la, dénieuseuse des ducs, ayant conquis le duc d'Orléans, mais aussi le roi de Grèce, et Valtès de la Bigne Lamante des peintres tels Gustave Courbet, Eugène Boudin et Gustave Manet, ce qui lui valut le surnom, d'Union des peintres. Bref, les hommes, les têtes couronnées étaient à leurs pieds et engloutissaient leur fortune afin d'obtenir ces précieuses faveurs. Cependant, en parcourant leur biographie, ces riches femmes adulées, les temps des frimas et de la poitrine qui tombent venues, finirent dans la plus grande des misères, à croire que l'escrime au lit ne paye pas. En sera-t-il ainsi pour nos modernes totalement mondaines? Je ne pense pas. Ces modernes femmes, ces executive women, indépendantes et tout le sein frusquin développé par les féministes qui se rasent, ont pris un fort ascendant sur l'autre moitié de l'humanité appelée man-men, les hommes, masse indistincte, portant, moustache, couille et bite, le cerveau selon ces dames serait aux abonnés absents. Donc, c'est être mené bestialement par leurs instincts graveleux, devant cette féminité ensorceleuse, mais ô combien expansive, serait à leur portée, sous condition de banquer un max, sans broncher. D'ailleurs le pire en la matière, encore une invention d'Américain est le lap dance, invention diabolique qui consiste à ce qu'une jeune femme presque nue vienne remuer du popotin sur les genoux de l'homme, celui-ci ne doit en aucun cas la toucher, sinon gare aux gorilles postées juste derrière qui veillent au grain, il suffit par contre de glisser plein de gros billets dans son string et de bander avec les dents serrées, ensuite, aller se masturber dans les toilettes, et voilà, un homme heureux qui rentrera à la maison pour faire jouir avec un peu de bol Madame Bobonne. Que cela est prophylactique, ne trouvez-vous pas? Vous remarquerez aussi depuis le début de cet article, le nombre d'anglicismes qui se succèdent. Pourquoi? Eh bien tout simplement depuis une trentaine d'années, les femmes de culture anglaise ont pris le pas sur leur mâle, ou ce qu'il en reste, et ont comme credo trois mots, money, power et control. Merde, je viens de me casser un ongle en tapant ça. Pas étonnant donc, de retrouver toute cette terminologie qui ressemblerait plus à un langage de banquier ou de général de brigade, j'irai même à un langage de pute, on n'est pas là pour faire du sentiment, mais pour consommer du mal, l'ingurgiter et le recracher lorsque devenu inutile. Pour preuve du changement de mures en Amérique, une femme donnera une fellation à un homme bien avant de l'avoir embrassé une seule fois, why? Ben, parce qu'elle le tient par le bon bout, la fellation est devenue le dernier acte où on domine, yes mon chéri, ferme ta gueule pendant que j'ouvre la mienne. Ayant l'âge d'être un sugar daddy, je n'ai pas énormément d'options afin de contenter ma libido, qui, se porte malheureusement trop bien, je mélange du bromure dans tous mes plats et une prise de Viagra serait pour moi comme un début de cirrhose du foie. M'inscrire dans ce genre de site à rencontre très sucrée reviendrait comme pour un diabétique d'être enchaîné dans une pâtisserie. Celles de mon âge, disponibles, sont bien souvent devenues des viragos indigestes, passant à caqueter entre bonnes copines, sur la connerie et la beauférie de leurs ex, ex duralex, SEDlex. Reste plus que le tourisme sexuel, selon Michel Houellebecq. Mais, bon, la gamine ramassée au fin fond d'un bidonville, d'une jonque ou d'un bouge, non merci. Alors, contactez des ex. Qui comme moi ont prise de la bouteille et qui par un grand hasard seraient nostalgiques de nos ébats passés. On peut rêver non? Ah, triste époque, oh, triste bandaison de papa, j'y peux rien, j'aime les femmes. Georges Zété, avril 2015. C'était une émission Radio Parasite. Et grosse bise numérique.